Quilon, qui a donné lieu à cette discussion, entre autres règles utiles et sages, a donné celle-ci, qui est d'une utilité incontestable, parce qu'elle renferme, dans de justes limites, les mouvements impétueux de l'amour et de la haine. Aimer, dit-il, comme pouvant haïr ensuite, et haïssait, comme pouvant aimer un jour. Plutarque, dans le premier livre de son traité sur l'âme, rapporte sur le même Quilon le trait suivant. Quilon, cet ancien sage, ayant entendu un homme se vanter de n'avoir point d'ennemis, lui dit « Tu n'as donc pas non plus d'amis. » Car il pensait que l'amitié et la haine s'appellent mutuellement et sont inséparables dans le cœur de l'homme.